sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Bonjour, c'est Anne-Henri, comme d'habitude pour Enter Brezonek sur RKB. Alors on commence par Gariou Arvué. Oui, alors aujourd'hui c'est l'émission 355, Trihanpem à Hunterkan. Alors il y a eu un peu de cafouillage pendant l'été avec l'ordinateur qui a longué une partie de nos émissions. Donc en fait il n'y aura pas de 353. Je dis ça pour les gens qui enregistrent parce que je sais qu'il y a des gens qui enregistrent les émissions. Donc il n'y aura pas de 353 et la 355 va reprendre une partie du contenu de la 353, si bien que ça va pas être à l'endroit. Donc j'annonçais que c'était la suite en fait sur la 354 de la 353, donc en fait ça va être l'inverse. Mais bon, les gens vont s'y retrouver quand même. Mais oui. Voilà, alors donc aujourd'hui, bien on va parler des pluriels d'animaux, comme la fois précédente, mais c'est l'émission qui aurait dû passer d'abord, donc les pluriels réguliers. Alors pour les animaux, le pluriel régulier, c'est en ed. Par exemple, on va dire l'onde ou l'ouen, hein, ça dépend des endroits, un animal, et au pluriel, c'est l'onet ou l'ouenet. Hein. L'ouenet fal, par exemple. Mm-hmm. Hein. Groupe connu de Fesnos. Oui, groupe bien connu, quoi. Alors, il y a beaucoup de proverbes où on parle de ça, l'onet. Hein, on disait... entre les gens et les bêtes, il n'y a que le baptême, pour dire qu'en fait, il y a beaucoup d'animalité en nous. C'est pas le baptême seulement comme sacrement, mais c'est l'idée de dire qu'en fait, on est très proche des animaux, par beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, l'homme, en fait, est un animal, un peu amélioré, peut-être. Mais il se comporte souvent comme, par exemple... Il y a des sociétés animales qui ressemblent beaucoup à la nôtre, les loups par exemple. Hein. Les loups, c'est un peu comme nous, il y a des dominants, des dominés, voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi en latin un proverbe, homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Mm-hmm. Voilà, mais c'est pas tellement, je me laisse aller là, c'est pas le but de l'affaire. Alors donc, l'onette, alors si on prend par exemple « œun », qui est l'un des mots pour désigner l'oiseau, un oiseau. Et le pluriel, c'est œuned. Par exemple, pas loin de chez les frères Morvan, là, il y a Krehanœunet, la colline aux oiseaux. Alors, c'est soit la colline aux oiseaux, soit la colline aux poussins, parce que par ici, pour les petits poussins, on dit œuned aussi. Hein. D'accord. Donc, c'était peut-être un marché aux poussins autrefois. Voilà, Krehanœunet, ou bien des oiseaux. Alors il y a un autre mot hein, pour dire oiseau qui est un pluriel régulier aussi, c'est lapus ou labus, hein. Donc qui donne la poussette, hein. La poussenonce par exemple. Encore un groupe. Voilà, tout débouche sur la musique ici. Alors il y a beaucoup de noms d'oiseaux hein, qui sont réguliers, qui ont par exemple pintic hein, pour pinson, qui va donner pintiget, hein. Philippe, c'est un moineau. Qui donne Philippet, hein. Alors Philippet, c'est soit des moineaux, soit des gens qui s'appellent Philippe, quoi. Mm-hmm. Voilà. Parce que les noms de famille aussi peuvent se mettre au pluriel en breton. Voilà. Ça se fait de moins en moins, mais autrefois ça se faisait beaucoup. Et néostique, hein. Donc c'est le rossignol et ostiget, des rossignols. Voilà. Puis il y en a quelques autres encore. Coulme, hein, pigeon ou colombe, hein, qui donne coulmed aussi. Hein. Voilà. Pitch, la pie, qui va donner pitchet aussi. Mm-hmm. Voilà. Donc beaucoup de noms réguliers chez les oiseaux. Alors chez d'autres animaux aussi, pesquette, hein, bien connu. Souvent d'ailleurs le pluriel est plus employé que le singulier. Alors, en prévent, c'est un insecte, enfin, c'est pas seulement les insectes, hein, parce que en breton, toutes les petites bêtes, on les appelle en prévent. Hein. On compte pas les pattes forcément. Hein. Donc les insectes ont 6 pattes, et par exemple les araignées en ont 8, et on va les mettre dans les en prévent quand même. Hein. Donc en prévent. Il y a un autre mot aussi pour certains insectes, c'est huile, et qu'on emploie aussi expression, sens, quoi. Oui, comme, au sens figuré pour désigner, par exemple, un gamin un peu turbulent. Un fripon, oui. Alors, Willet, hein, pareil. Hein. Donc, voilà. Alors, il y a plusieurs types de Will, hein. Par exemple, Willet d'air, hein, c'est les hannetons. Willet correr, c'est le bousier, hein. Celui qui est, voilà, correr. Alors, toujours des animaux, le nom officiel, si l'on peut dire, du lapin, conifle, hein, conifle, qui donne conifle d'un. Et alors, il y a le nom dérivé du français, lapine, qui fonctionne pareil, lapine d'un. Voilà. Alors, d'autres noms encore, par exemple, nasen, hein, asen c'est l'âne, hein, asenet, hein, des ânes. Ner, c'est un reptile en général, souvent une vipère. Nered, hein, donc les serpents, les vipères. Voilà. Alors, des animaux qu'on trouve un peu moins dans nos régions. Nars, hein, sauf à Ploézal. C'est ça. Il y a des kangourous maintenant aussi, pareil. Ah bon, oulala. Ouais. À Ploézal, toujours. Non, non, pas à Ploézal. Non, non, ils n'ont pas tout, hein, Ploézal. Mais il y a un kangourou là, qui est échappé, là, qui rôde par là. Donc que les gens soient pas surpris s'ils voient un kangourou. Voilà. Un ars et leur pluriel ars hein. Léon c'est le lion, Léonet hein, donc des lions. Ça heureusement on trouve pas trop dans la nature par ici. Bor hein, le bouc borhut hein, des boucs. Et puis pour finir ben le chevreuil your et le pluriel yourhut. Donc voilà des pluriels réguliers quoi. Alors on a déjà parlé des pluriels irréguliers donc finalement on n'y reviendra pas directement sous cette forme là en tout cas. Et donc on va passer à présent nectamatam maintenant. Voilà deuxième partie d'émission. Brezhoneg-tamm a tamm, retour donc sur l'expo qu'il y a à Zantoluc pour l'été là. Chandic voilà. Est déjà allé et puis elle retourne mais là plus à l'intérieur de l'expo. À l'intérieur, voilà. On est à l'intérieur donc de la chapelle Saint-Zanderne à Kermakal. Donc ils rentrent dans la chapelle. Chandic, oh, en mons au cas à Dolénou, va. Très gonzo. Livet tout ganiwan gawiat. Evel juste à live mat, Zelta. En me manquasse tel ton de Kédek. À grand-mère chapelle l'or. Juste mal, Chanik. Chapelle l'or, ma mari en disque à Ramzer. Gualblich radin livio. Aga bati quad malwen? Ya, a bati quad malwen, ba kreiz non. Hernen kleus man zo brau. Ah ya, hernen kleus zo bak zantolek. Toste burg? Agar fenten man? Ya, fenten zantveltas. Agar poltret man? Poltret d'or plargos de skoste rostren, gant ar oe fissel? Agan tigar man? Ah ya, tigar la ruen, veloa gwegel gant o loko o tramen. A peget abado an dek skwezadek? Pemzek de, a digor eut vo bemde deus degor beure betage 6 ur nons. Bon, ben on va reprendre voilà. Toutes ces questions de Chandic, parce qu'elle le mitraille, hein, Chandic. Ah, oui, oui. Ah ouais, ouais, là, elle profite que Job Nedelec connaît bien son sujet quand même. Oui, oui. Alors, Chandic, oh, en mans au cas d'Adoleno, vat. Oh, ici, il y a beaucoup de tableaux, sûr. Vat, hein. Très gonzo. Très gonzo. Donc, il y en a 30. Livet tout ganiwan gaouya. Oui. Tous peints par Iwan Goyat. Veljus, à l'ivet de mat, celta, en moment qu'a stelton kedek. Ah oui, et Veljus, bien sûr, à l'ivet de mat, et bien peint. Hein, ils sont bien peints. Regarde, zelt, regardez, puisqu'il la vous voit, hein, Zelta. En moment qu'a stelton kedek. Hein, ici, il y a le château de Tonkedek. À Grandma Chapelle l'or. Ah, Chandic dit, à Grandma Chapelle l'or, et ici, la chapelle du l'or. Juste... Elle connaît bien aussi, hein. Oh, elle connaît le pays, hein. Juste mat, Chandic, chapelle l'or, bah, Marianne Discaramzer. Voilà. Gualblijara Liviudin. Voilà. Alors, juste mat, Chandic, chapelle l'or, bah, Marianne Discaramzer. Donc, la chapelle du l'or, vers l'automne, hein, bah, Marianne Discaramzer, à l'époque de l'automne. Discaramzer, l'automne. Ouais. Gualblijara din Liviu, hein, j'aime beaucoup. Les, donc, si, c'est une forme, on pourrait dire, les couleurs me plaisent, hein. J'aime beaucoup ces couleurs. Agabati Quatmalouen? Et l'abbaye de Quatmalouen. Ah, ya, Abati Quatmalouen, bah, crazen nan. Ah oui. Alors là, c'est pas dans la même période, hein. Abati Quatmalouen, bah, crazen nan. Donc, l'abbaye de Quatmalouen, au milieu de l'été. Agen Cleus en Manzobrau. Yoam, Agen Cleus en Manzobrau. Le chemin creux ici est joli. Oui, les peintres aiment beaucoup les chemins creux. C'est... Il y a un enclosé zo bazantolek, Tosdorburg. Il y a un enclosé zo bazantolek, hein, ce chemin creux là, et à côté, et à Zantolek, à côté du bourg, Tosdorburg, pas loin du bourg. Agar Fontainement? Agar Fontainement, et cette fontaine? Oh, il y a Fontaine Zandveltas. Il y a Fontaine Zandveltas. Alors, il dit pas où c'est, mais il y en a un peu partout des Fontaine Zandveltas. Il y en a à Trémargat, il y en a à Magoire, bon. Et la Saint-Gilda, c'est en janvier. Et oui, voilà, fin janvier, les pardons. Agar Poltredement. Et ce portrait, alors Poltred, hein, c'est un portrait, ça peut être une photo aussi, hein. C'est un portrait, soit peint, soit une photo. Poltred, hein. Tenor Poltred, c'est faire, se faire tirer le portrait, hein. C'est même les portraits de Marie-Laure Groix sur RKB. Hein, ah oui, oui, Poltred, hein. Alors Poltred, hein, la description de quelqu'un. Ouais, ouais. Alors Poltred, oui. Job répond, Poltred, leur plargos, de ce costeran rostren, ouais. Ganarwef, ficelle. Voilà. Donc, c'est le portrait d'une vieille femme, Urplargos, de Skoste Rostren, du côté de Rostronin, Gandorroy Ficelle, avec une coiffe ficelle, la petite coiffe, hein, voilà. Derrière, là, souvent brodée, là. Voilà. C'est pas la Touken qu'on appelle ça? Ah non, Touken, c'est la, c'est Trégor. Ah oui. Avec exact, les avec cornes. Les, ouais. Voilà. Un grand petit garment de Manchandi. Voilà. Et cette gare-là, une jolie petite gare. Un petit gare l'enruen, Veloa Gwechal, gan loco tremen. Donc voilà, c'est la gare de l'Henri Vin, comme elle était autrefois, avec une loco qui passe. Alors là, il imagine, hein, parce que la loco, ça fait longtemps qu'elle passe plus. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis 1938. Ouais. Le 1er août 1938. Et la loco 512. D'accord. C'était... Sur le réseau breton de 1 mètre, c'est ça? Ouais, ouais. La voie métrique. Bon. Alors, Chandic demande à Pégate et Bado en disqueza avec. Ouais. Et combien de temps durera l'exposition? Pemzegde à Digoretve Bemde de Sdek Arbeuré Betek Seisnos. Donc, 15 jours. Et c'est ouvert tous les jours, de 10h du matin. À 7h le soir. Donc, ceux qui veulent aller n'ont qu'à se renseigner à l'office de tourisme. Du Kreisbreis ou de Calac, ça peut marcher aussi. Oh, oui. Voilà. Allez, on passe à la troisième partie. Ah. Donc, troisième partie d'émission, Petra Zoneve Ervro Eri. Kal se draou Zoneve Ervro e boer vej diouzan. Krogom de diantan vel custum gandela bourdouar. Tremen de bremen hanterest. Setu e bezer dre vraz madouar un trevadou hamb opre de vwen agenet. Bepsor mod e bezer de virion e ka un amzor ne oak gwalvad. Met amman benefi ne ke bereval un traou. Dour zo bet, met ne ke bereval un traou me mestra. A yol zo bet vid de londet par den nan, hag un est zo bezer ad madouar benefin. Ne ke ma meus mod ban Amerik, peut-ur ban Amerik, e zeer trai un traou, ur zeer ur spont tu zo bet, e blaman, pe zo bet val tre vid ur randaman un trevadou. A dreistol vid ur gwinis. Setu zo roar votier ur gwinis, war ma had ur bet, e blaman. Ak zez o val evet just, evel just vid zaverien londet. Pe vetram d'un hanterest, te deja amzer an distro vi kalze dut, hag vi kalze dra ou benefin. Da skwer, un eiz eus miz gwen golo, vo homis la bour douar vid kanton zan Nikolas, hag homis vo gret ba pur ut blanman. A wal erze vo gret ba rajan o sort komis bras, vel be pla ba mis gwen golo e vegret ar spas a genan vo gwel kalze dud a kalze lonet mur ma trezen vi ba pur un mamez vegenan zo re kontandar de ze gist gist e va jor vroman evel just hag ar stal val de rans zo staliet ba pledien en de sprend ne vesso di usin gist e bro normandi un usin a ouzo a del rebeta bremañ gant ur stal du jardin, setu vo gret gant Val de Rance, bremañ, gis breiz a gis bro Normandi. En un vant n'eus tre gis breiz hag breiz bro Normandi ma peswant. On dra driz bremañ, ede d'un an an ian e lir, petramant velard, you en e lir, petramant Yves Olivier ma peswant, vel velard in galak, you en e lir en eus gret kalz e draou, eus labour e kalz pa di vue, evi de labour douar ur vroman. Krouet oa be gantan hag an o nebeut tudel, vel Jean-Flore hag André Etes, ur strolat peizan travailleur. A oardro ur blavez yo perugen, oa be krouet gante, Confédération Paysanne. Gante hag an tudel, evel just. O nebeut blasso, oa oa ileve, hag oa ileve, in retraite ma peson, hag président ur strolat arvel ur oad, oa. Ne oa ke me degla trugen, met bon, jiwas edet an an an, reabrit. Chomon an tamm bremañ war dachen e labour douar. Ba fin mis vo ba plus suliant, gwell e labourer yon yaouang, ve hant vet ter attitude, hag ar e zur vo gwell kalz du droaz. Vide navalo, ne vo ke gwell, ne vo ke d'or blavez gwell vat. Skorn zo bet pe oa gwe avalo e blan, a setu e n bet distrujet, ur blan yo zo bet distrujet, hag an jis ne vo ke devel just kalz frouez. Hag pevek d'avalo evel just nevek ke kalz gist. A pevek kalz gist nevek ke kalz lambik. Dissement un trou. Kalz heureuse eus obet o rogasso gant un affer dou. Bon, ne ke gwalz kler un trou oaz, met on tol fale evit ekonomi eus evro evel just, hag on tol val vid nimpligidi, hag tout un dud ur labour hag gant ur stal dou. Azeve gwell pegen bresk e en ekonomi eus stal you bras, Staliou braz divent, hag vez pien vidi gant de, arrivil en ende waler. Bon, gwellet vo pe sa mod vo kon. Kom zan mon tamm bremañ de zevena dur ur vro, a war an dachen ze evel just zo kalz e drog de la aret. A roaz de vont ke la aret tout. Prestik evel just vo un distro skol. Pe sa mod vo un trog gant brezonek blamme, gant diskadur eus ur brezonek, pe kelenadur eus ur brezonek, ze ne war amket. Gwellet vo. Ma trezen me mestra e yon tamm gweller vid ar blaio el. Gant un distro skol evel just ur hat krog o kalz e draou, evel labourer gevirigez yo zo labourad war zevena dur ur vro, kentel yo brezon, kentel yo gouren, kentel yo zonerez a bep sort traou. Hag disse vo moyen d'un dud d'or kalz e draou a de grad pli jadion. Evit hen d'ar brezon, vo ma meus mot, tant vos trubus au bête par un an, quand un urziateur, mette vraiment sur roi, et y a égoué leur intro, puis vous renquez d'un trou. Ah, c'est tu pour plus jadur, à nimon plus jadur de gomzom, bahin d'embraison, nec. Babla d'au mille no, ou abé de Kroue de Schaden Tele TBO. Hag Neveso, oa deut président d'ur CSA, de Vrest, evit le kan o melodi de TBO. Hervé de Sklar, de gwell an Schaden Tele Renvro, le zo Babro France. A tom, gresk Schaden Ze, Schaden TBO, pez dik eus ouezus pe fe gwell pegen distori e Schaden ouel, dreistol o revrasan. Alizm eus komp se tar deus Angela Duval. A bremañ e bet laket tout di oberenou war ur roedat. War ur roedat internet e vel just. Hag eus disse, vo moyen d'ur an aout gwellar, el arbor dispar a zo begret ganti. Kal ze bladenou ave imbanet bet pla ur breiz. A nevesso da skouer a zo bet laket war ur mahat, pla den diouzan dan ur braz. Zo zavet gantan hag an obet tudel, mignon de tan, evel ronan ur bar zo ran avet mad bavro, evel zon ur willen paip. Hag ya un huilen pai be ur sort bignou deus bro e werz an makarin hag zo brao tri krog oa be de dan ur bras de zond gant alan stivel a juz mat pe kom skom deus alan stivel o lever zo be skrivel war i vue gant Laurent Boudla ya zo Bourdela na ye on den hag zo deus bro li mouzin hag zo diden tri gant breiz hag ize venadur hag an imban de lever zo gant un telegram. Pe on o komz deus leverio, o leverel zo beskrivet hag imban un neveso war bue Yves Kerou. Yves Kerou an den deus plougonver, hag deus gret kalz bon his o mars pen hantar kant lasso bremañ, me kalz a draou neus beskrivet de brezandak. Hag Yves Pian neus dastumet tout pez oa bet deus skrivet gantan, hag gret ganze lever brau, o lever o brezandeg. Bon. Hag o lever zeus o handvet, Yves Kerou, bars plougonver hag im ban adeg an en alar. On denel a zo hanavet Mad Bavro e Francis Favreau. Hemant eus gret o labour divent evit ur brezandeg, hag evit sivenad ur vro. Skrive neus kalz e leverio, leverio e bouez, hag dreistol ur geriad ur glas, zo hanavet kant kalz e dut, hein. Le Favreau vela, hein, mameus mod vel vela, le litri vid ar galak. Hag dermad ve plijad ur mont ur fur chalbars, pur dermad ve kav traou neve. A bremañ Francis Favreau, un eus echu e di labour, vid ober imban ur Favreau neve, hein, gant hantar kant mil die roas, zo e bars. Mur vid ba lever glas oa rog. A troioù lavor, a skouerioù, a bob sa traou. Hag, bon, e labour zo gret, me bremañ e c'hed labourat vid imban. Hag imban eo vo ba blad eo zon en 2013. Neus ket pell zo e oa Gioia ou ba Londres, c'hoarioù e trevro adel, a ba Saint-Omer de Blin zez zo ba Bronaunet, e oa d'or bem me vizez, e oa c'hoarioù me c'hoarioù de zevro, a oa kampionat sportchou breiz. Da skouer te le minpouez, minpouez da ugen liur, jecho war bazioud, jecho war gordon gant treinoaz, zevel an ahel gar, evel just, hag bon, neus ket betim de drouz gant zi, ba media yo vel gant gio yo, oa ba Londres, me zo war zo ben muor oblij a liur. Bon, kaz e drou ve kinig d'un dud pa de nan, kouz vil un douristet vel vit de dud ar vro, da skouer, bebiou, vetro ur chapelioù, hag ba pe ba baden zo bet kalz e dud de blanman. Ze zo un dravad. Ba mis vwen, ba skol labour dou ar kernelien, oa bo de tut vid de tout ur boio keltiek, da la rede breiz, io erzan, kernever, bro gembre, en ez man a broskoz. Hag an dutzen eus labour de war un tem oa blam bon un emvozo e handal celtic hein gal a congrès celtic hag un dun de ce labour de blam war un tem d'azon de ries celtic hag un dra buiz oa me jiwas bon de ce bical je drouz gansi barzer medaille mediaio vegenamzer un tandard de œuvre d'or morvant a trop et de chilowene puis de glaine bop julguish gant abad en hendor brezhanuk, pudur ve annonce de nabad gant ur vreud ur morvan. Hag un deel ba gwengam eo a roete trohoug un nerminik, gal hag vel arze kolied lermin, evit tout de la bon un gret vid ar brezonneg a vid zevena dur un vro. Hag evel juz ezo un dravad evite hag evit ar vro. Bon, setu un tamp tro war tous pesonne ve ar vro, setu point de din vraiment l'artar ken a vo, tien ar vegel.